de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, voyage en agnotologie, pays de la science et de l'ignorance, une série de Franck Cuvelier réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a la stupéfaction toujours renouvelée que parfois on nous ment, qu'on nous en fume, sur les dangers de la cigarette, les effets des néonicotinoïdes ou les tests effectués sur les moteurs diesel. Et qu'heureusement, souvent, il y a quelqu'un, d'un peu trop seul au départ, qui le fait savoir et n'oublie pas ce que peut produire l'appât du gain. Et puis il y a la religion de la science, ou au contraire, ceux qui voient des mensonges et des complots partout, et qui eux aussi sèment le doute. Et puis parfois, il y a qu'on oublie, ou pire, qu'on préfère ne pas savoir, comme l'autruche qui dort en chacun d'entre nous. Mais certains médecins n'ont pas dit leur dernier mot. Alors pour commencer, les personnages. Un malade inquiet, un oncologue jovial qui ne lâchera pas l'affaire, des infirmiers dévoués, un ouvrier agricole intoxiqué et militant, de vrais médecins du travail, des employeurs qui louvoient, un malade qui pose des questions, un historien des maladies professionnelles et des mineurs. Ensuite, le décor. Un hôpital de jour, des facteurs environnementaux, des cancers professionnels et des cancers aux causes inconnues, un questionnaire, des convictions, des pots pourris malfaisants, des pesticides, poussières, fumées, solvants, du cynisme, du déni, la silicose qui revient et le 11 septembre. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est à l'hôpital. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Borelli, monsieur, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment il va? Pas trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis très faible, je n'arrive pas à me nourrir. Vous avez perdu du poids? J'ai perdu du poids, j'en suis à 56 kilos, ce qui n'est pas beaucoup. Et vous prenez des compléments nutritifs? Alors vous m'aviez donné du cétornant. Oui. J'en prends. Mais... Vous continuez à maigrir? Je continue à maigrir et je ne peux pas non plus en prendre 3 par jour. Et on a essayé des compléments nutritifs, vous savez, le clinutrène ou... Non, on n'a pas essayé ça encore. On essaie de faire ça? Moi je suis prêt à tout pour aller mieux. Hein. Donc, vous allez diminuer le cétornant et puis je vais vous prescrire du clinutrène. Vous essayez de les prendre soit juste après le repas, ou s'il n'y a pas de repas, vous les prenez. On va essayer de commencer par 2 par jour, d'accord? Si vous pouvez en prendre 3 et on refera le point dans une semaine. Très bien. Ok. Voilà, l'équipe de l'hôpital de jour, bonjour. Nos infirmières, aides-soignantes, élèves infirmières. Voilà, c'est là où tous les matins on s'affaire, on accueille les patients, on les soigne. Alors, c'est vrai qu'au sein de notre service, on a impliqué, notamment dans la recherche de l'exposition à des agents cancérogènes, les différents acteurs et notamment les infirmières. Puisque les infirmières, lorsque elles voient le patient, on leur remet un questionnaire sur leur parcours professionnel. Et en fonction de leur parcours professionnel, effectivement, on peut les orienter vers une consultation du risque professionnel qu'on a mis en place depuis mars 2017 avec l'intervention de 2 médecins du travail. Alors, ce sont des consultations d'une durée d'une heure où là, les médecins du travail essaient d'éplucher de façon plus précise leur parcours professionnel et essayer de sortir les expositions à des agents cancérogènes. Un dossier est constitué et qui donne lieu à un certificat médical initial dans l'éventualité de la reconnaissance en maladie professionnelle. Il faut savoir qu'il y a 355 000 nouveaux cas de cancer qui sont diagnostiqués chaque année. Sur les 355 000, 4 à 8% peuvent être d'origine professionnelle. Donc on s'attend à un nombre de 15 à 30 000 cancers d'origine professionnelle reconnus. Bon. Or, chaque année, il y a à peu près 1 400 à 1 500 cas qui sont reconnus. Donc cela veut dire tout simplement que tout le reste se trouve dans l'ignorance. Des maladies aux causes invisibles. Franck Cuvelier, Rafik Zénine. Comme à tous les médecins, on a appris à Borans Lama à soigner ses patients. Pas à se demander pourquoi ils tombent malades. Pourquoi ils viennent toujours plus nombreux en consultation, plus de jeunes, plus de femmes, avec des maladies du sang toujours plus variées. Borans Lama peut l'ignorer. Les autorités de santé régionales ignorent aussi tout de cela. Les médecins du travail, les caisses de sécurité sociale, les mutualités, les assurances, pareil. Bref, il y a des gens qui tombent malades en Avignon et tout le monde semble en ignorer les causes. Alors Borans Lama et son équipe se sont lancés deux défis. Sortir de l'ignorance médicale et comprendre comment cette ignorance leur est tombée dessus. Service, lorsqu'on reçoit un patient, qu'on lui diagnostique une pathologie cancéreuse, un lymphome, une des premières questions qui lui vient à l'esprit, c'est pourquoi ? Pourquoi j'ai ça ? Et malheureusement, ce qu'on répond, c'est qu'on ne sait pas. Alors, nous, on a mis en place depuis 1 à 2 ans, un dispositif qui essaie d'identifier au maximum les patients atteints de cancer pouvant relever d'une origine professionnelle. Bon. Comment vous y êtes pris alors ? Quel est ce dispositif ? Racontez-nous-le. Alors, le dispositif, c'est la systématisation de la remise d'un questionnaire au patient sur son parcours professionnel, ses différents métiers, où il a travaillé et les expositions à des agents cancérogènes. Donne un exemple, les agriculteurs, s'ils ont eu éventuellement à utiliser des agents phytosanitaires, les pesticides. Avant ce dispositif, on avait éventuellement 2 ou 3 certificats médicaux initiaux qui étaient réalisés dans l'année. Donc ça veut dire 2 ou 3 personnes dont on pouvait justifier l'origine professionnelle de leur lymphome. Voilà, de présomption. Non, de présomption, parce que après, sur les 2 ou 3, généralement, il n'y en avait aucun qui était reconnu. Bon, depuis la mise en place de ce dispositif, plus d'une centaine de dossiers ont fait l'objet d'un certificat médical initial, à peu près entre 12 à 15 dossiers ont donné lieu à une reconnaissance officielle en cancer d'origine professionnelle. Une trentaine sont en cours. Donc ça veut dire tout simplement que finalement les patients qui n'existaient pas il y a 3 ans, finalement ils y sont et on met un éclairage sur eux. On répond un peu à cette problématique de l'invisibilité de ces patients puisqu'on les rend maintenant visibles. Monsieur Boultam, comment ça va ? Ça va ? Ça se passe bien ? Là, on est à combien de cures ? Pas de douleur? Non. D'accord, ok. Dites-moi, monsieur Boultam, vous avez vu les médecins du travail, non? Non. Qu'est-ce que vous faisiez comme travail? Ma femme de chaleur. Ah ouais. Hajj, quand tu as où est-ce que tu travailles? كنت خدام في اسبانيا انا جيت هنايا جيت هنا نخدم في الفلاحه وقع لي المشاكل سي ان باسيون كي ايت ان اغريكولتور اكسبوزي ا دي اجون فيتوسانيتير او بيستيسيد كي ترافاي ان اسبانيا دونك سا ران لو باركور بوكو بلو ديفيسيل اي سي ان باسيون قد ايه كنت تخدم في اسبانيا في اسبانيا ربي شي 15 سنه Voilà. 15 ans de travail en Espagne. Ce sont des salariés issus de l'immigration. Donc, ils font leur travail, prennent leur retraite et très souvent tombent malades. Et soit on ne les voit plus puisqu'ils retournent dans leur pays d'origine, soit finalement ils tombent malades avant qu'ils repartent dans leur pays d'origine, et ils se retrouvent, bien évidemment, à être traités. Ce sont des situations qui sont quasiment toutes dans une précarité assez éloquente. La constitution des dossiers en reconnaissance maladie professionnelle nécessite, bien évidemment, des informations. Il faut aller contacter les employeurs, essayer d'avoir les différents types d'agents utilisés. Bon, imaginez le patient avec un niveau de connaissance très faible. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, dans le cas de figure que vous nous donnez, il faut imaginer un patient d'origine étrangère, parlant approximativement la langue, appeler son ancien employeur pour lui demander quelle molécule il a employée en vue d'une reconnaissance. C'est sûr qu'à l'autre bout du fil, l'employeur... va être relativement froid, à moins qu'il soit aidé, ce patient. Alors, le comble, c'est que lorsque nos assistantes sociales ou les deux médecins du travail, de la consultation du risque, appellent, ont du mal. Mais quand je dis du mal, c'est vraiment... Alors, soit parce que l'employeur est injoignable... ou soit parce que l'employeur ne fait pas les efforts nécessaires pour pouvoir amener les renseignements qui sont souvent indispensables pour permettre d'avoir une reconnaissance en maladie professionnelle. Donc voyez-vous, le système est complexe, de multiples obstacles. Très bien. Merci. Vous êtes Brigitte Lemeur et vous, Benoît de la Brusse, vous êtes tous les deux médecins du travail. Est-ce que vous faites un lien entre l'ignorance scientifique médicale et l'injustice sociale? Oui, bien sûr, parce que je crois que la méconnaissance scientifique de causes professionnelles, bien entendu, entraîne une injustice sociale aussi, hein. Je ne veux pas rentrer dans d'autres sujets, mais je pense que c'est une des causes, oui, indiscutablement. Ouais. Benoît, je serais peut-être même un peu plus précis en vous prenant un exemple de la difficulté à faire reconnaître les maladies professionnelles quand elles sont connues, d'une part, déclarées ensuite. La plupart des cancers professionnels sont chez des ouvriers et non pas chez des cadres. Hein, c'est la différence d'espérance de vie selon le niveau social. Et il est évident que quelqu'un, un agent de maîtrise, un cadre qui a une connaissance des démarches administratives, se débrouillera beaucoup mieux pour faire reconnaître une maladie professionnelle. L'ouvrier, son savoir, il est plus dans le faire, il est plus dans le manuel, il maîtrise beaucoup moins bien l'écrit, et toutes ces démarches administratives, ça le rebute. Hein. Et puis parfois, on a des choses qui nous surprennent, qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. C'est parfois, on a un certain nombre d'exemples d'ouvriers, bien souvent, qui refusent de déclarer leur maladie professionnelle alors qu'ils le pourraient. Et quand on les interroge, on a des réponses variées, genre c'est pas mon travail, c'est le tabac, ou je ne veux pas mettre en cause mon ancien employeur, ou bien derrière ça on présuppose aussi que reconnaître le travail comme à l'origine de leur cancer, ça veut dire remettre en question toute une vie professionnelle. Et ça, c'est psychologiquement très très difficile. Bah, tu vois, ça marche. Au point, merci. C'est pas compliqué, t'as qu'à recourber les griffes de temps en temps à la pince en attendant qu'on te les change. Et tu fais ici, la machine. Vous pouvez pas appeler le service d'entretien au lieu d'arrêter votre travail? Auparavant, nous, médecins du travail, nous voyons l'ensemble des salariés d'une entreprise tous les ans, tous les deux ans. On les revoyait à différentes occasions aussi. Ça veut dire que nous avions, par l'intermédiaire des consultations, une connaissance du fonctionnement de l'entreprise, une connaissance du travail de chacun des salariés, des relations sociales à l'intérieur de l'entreprise. Vous pensez bien que ce que nous disaient les salariés, ils ne nous disaient pas comme ça d'emblée. Hein. J'ai évoqué le problème de l'indépendance professionnelle. Nous sommes, pour beaucoup de salariés, les médecins du patron. Donc, ce qui veut dire que la confiance entre le salarié et le médecin du travail, elle ne s'établit pas d'emblée. Il faut plusieurs années, plusieurs rencontres pour qu'elle s'établisse. Et c'est très intéressant quand cette confiance est établie, parce que ça veut dire qu'au cours de ce colloque singulier, ça veut dire grosso modo que l'on peut parler sans témoin à une personne dans un cabinet privé, et ce qui est dit ne sera pas répété. Donc au cours de ce colloque singulier, les gens nous parlent de leur travail, nous les interrogeons sur leur travail et nous engrangeons beaucoup d'informations. Ils nous parlent de leur travail réel. Et il y a une notion fondamentale aussi en médecine du travail, c'est la notion de travail prescrit, travail réel. Le travail prescrit, c'est celui, je dirais, c'est le point de vue de l'employeur ou du cadre qui donne des ordres, c'est-à-dire que je vais définir ce que doit faire le salarié, quelle machine, enfin bon, tout ce qui est la production, mais aussi ce à quoi il sera exposé. Mais ça va être quelque chose de théorique, d'un fonctionnement normal. Or, le fonctionnement normal, il n'existe jamais. Il y a toujours des dysfonctionnements par-ci, par-là, et que le salarié doit résoudre. Et c'est à ce moment-là, où quand on revient à notre thème cancer professionnel, s'il utilise, par exemple, un produit cancérigène qui est bien, je dirais, enfermé dans des tuyauteries où il ne sera pas exposé, s'il y a un dysfonctionnement, ça sera à ce moment-là où il sera exposé. Et ça, on ne peut l'apprendre que au cours de ce colloque singulier, que au cours de cette consultation. Donc, maintenant que les consultations vont avoir lieu tous les 5 ans, nous n'aurons plus cette vision de l'ensemble du travail réel dans les entreprises. Quand nous avons travaillé dans cette expertise exposition des travailleurs en agriculture aux pesticides, Nathalie Jass. Nous avons posé par exemple la question du fait que ce n'était pas nécessairement simplement pendant les phases de préparation des produits et d'application que les expositions pouvaient se produire, que ce n'était pas nécessairement des gens qui avaient le statut d'agriculteur qui pouvaient être exposés, mais tout un ensemble d'autres professions qui se trouvent travailler sur une exploitation agricole, que ce n'était pas toujours des gens qui avaient un statut qui les rattachait à des régimes de protection sociale ou de santé agricole, qui peuvent avoir des statuts très différents, par exemple des stagiaires, par exemple des aides familiaux qui peuvent être employés par ailleurs, mais qui travaillent beaucoup sur les exploitations, enfin tout un ensemble d'autres professions, des techniciens agricoles qui viennent conseiller, qui passent sur des exploitations, des vétérinaires, des mécaniciens qui travaillent sur les machines, tout un ensemble d'autres professions, des secrétaires qui travaillent dans les coopératives ou dans les magasins où on stocke et vend des produits qui sont utilisés en agriculture et qui sont toute la journée à côté de ces produits, dont pas nécessairement très bien stockés et qui peuvent être aussi très exposés. Et ce sont effectivement des populations invisibles et des épouses qui vivent ou des enfants qui vivent ou de la famille qui vit sur des exploitations. Et par ailleurs, on a aussi posé la question des femmes qui travaillent en agriculture. Il y en a au moins 30% en France et qui sont totalement invisibles même dans les mobilisations en tant que malades potentiels, par exemple. Bon, c'est vrai que nous, on a systématisé un petit peu la question de l'activité professionnelle auprès des patients qu'on reçoit quand on a des patients pour lesquels il y a des découvertes de ce type de pathologie qui est annoncée. Églantine Armand, assistante sociale au centre hospitalier d'Avignon. On les rencontre systématiquement et on leur pose la question de leur parcours professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était votre activité? Même pour les personnes qui sont retraitées. Et de là, on va faire un premier repérage. On va dire, ah tiens, ce patient-là, il a travaillé dans telle ou telle activité. Il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. C'est vrai que ce type de pathologie est souvent associé au mode de vie, au mode de consommation et a tendance à être plutôt culpabilisante. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Est-ce que j'ai fumé? Est-ce que j'ai eu des comportements à risque? Parce que, voilà, jusqu'à maintenant, on a, dans l'histoire de cette pathologie, beaucoup mis l'accent sur le mode de vie, en fait. Peut-être que c'est quelque chose qui est aussi un peu du registre d'un sentiment de honte ou de culpabilité, et donc c'est pas quelque chose qui va être facilement évoqué. Quand on fait une analyse systématique, sociologique, des parcours professionnels des patients, eh bien, ça nous permet de révéler en fait des parcours un peu atypiques et souvent des personnes qui ont occupé plusieurs postes avec des durées de travail différentes, mais qui ont été exposées à différentes substances, donc ce qu'on appelle la polyexposition, et qui, elles, passeraient à travers les mailles du filet si c'était une consultation classique avec le médecin. Celles qui passent à travers les mailles du filet, on disait finalement dans ce filet, là maintenant vous en récupérez des nouveaux qui vous étonnent et... Oui, je vous donnais l'exemple d'une patiente, Nadège, qui a travaillé dans la confection de pots pourris, vous savez, les petits pots de fleurs avec des pétales séchés, bien parfumés, etc. Donc cette patiente a travaillé là-dedans une dizaine d'années et en fait il s'avère que dans ces produits finis, il y a énormément de substances, notamment d'insecticides, pesticides concentrés. Moi, j'étais la première étonnée. On était loin de se douter qu'il y avait des substances cancérogènes dans ces produits et que la manipulation en était dangereuse. Donc, et la patiente également. Quand elle a pris connaissance de ça, elle a été extrêmement surprise. Oui, et puis cette patiente-là a eu aussi... à travailler, donc elle travaille toujours en tant que cantinière, où elle est aussi exposée aux émanations d'huile aromatique. Donc c'est une polyexposition. Donc dans ces cadres-là, les personnes sont d'autant plus surprises que c'est pas des activités dont elles imagineraient qu'elles sont dangereuses, quoi. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi du retard. Je ferme la porte. Oui, allez-y. Ouais. Ça va? Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. J'ai pris les bouchons de la rocade. D'accord. Bon. Alors, quoi de neuf? Vous avez vu le matin du travail? Oui, je l'ai vu hier. Bon. Donc, il m'a dit qu'il allait voir avec mon employeur si... Parce qu'il y a des procédés par étapes, à savoir soit on aménage mon poste de travail, soit il me trouve un autre poste au sein de l'entreprise. Oui. Soit il me fait. Il me déclare inapte. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez me dire quel âge vous avez et qu'est-ce qui vous a amené ici dans ce service? J'ai 29 ans et j'ai eu récemment un cancer, un lymphome plus exactement. Vous êtes posé la question pourquoi, à cause de quoi ça vous est arrivé? Je me suis posé la question, oui, bien sûr. Je me suis posé la question, pourquoi? Pas forcément pourquoi moi, mais à quoi c'est dû? quelle est la cause de cette maladie? Est-ce que c'est dû à mon environnement professionnel ou est-ce que c'est dû à mes habitudes alimentaires ou simplement ma qualité de vie? Je me suis posé beaucoup de questions. Mais il n'y avait pas que ça quand même, il y avait aussi votre parcours de travail. Vous avez commencé à travailler à quel âge? Vous avez fait quoi comme travail qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, on va dire? Quel âge vous avez commencé à travailler? J'ai commencé assez jeune, mais c'est vrai que j'ai beaucoup fait des travaux saisonniers, à savoir tout ce qui est récolte de fruits, essentiellement, et pas mal de taille aussi d'arbres fruitiers. J'ai beaucoup travaillé dans les champs, oui. Donc, En pleine nature, oui. Ouais, ouais. Où est-ce que vous voulez en venir? En fait, souvent, on ignore les choses parce que quelquefois, on ne se pose pas la question. Est-ce que vous, rétrospectivement, vous êtes posé la question de la façon dont vous travaillez dans les champs, dans les arbres, et des causes qui auraient pu être celles des expositions que vous avez dû subir? Est-ce que c'est des choses qui vous sont venues après coup? Comme je vous dis, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était plus au niveau de mon alimentation et mon hygiène de vie. Voilà. Je ne faisais pas énormément de sport à cette époque-là et je mangeais un petit peu tout ce qui me faisait envie. Donc j'ai d'abord essayé d'agir à ce niveau-là. Et ensuite, là oui, je me suis posé la question au niveau professionnel. Est-ce j'étais en contact ou exposé à des produits qui auraient pu justement peut-être éveiller ou fortifier cette maladie? Et je pensais notamment à ma jeunesse lorsque je travaillais dans les champs, où j'ai peut-être été exposé à des produits phytosanitaires. C'est possible. Je peux pas vous dire avec certitude si j'ai été exposé ou pas. Et sinon, plus récemment, j'ai déjà fait des travaux de maçonnerie. Je sais que la poussière que l'on respire quand on fait un peu de maçonnerie, c'est pas bon pour la santé non plus. Vous le savez maintenant? Je le sais maintenant. Oui, je le sais maintenant, mais après, je sais déjà, tout le monde sait déjà que l'amiante, c'est pas bon pour la santé, et je faisais à l'époque, je faisais un peu de maçonnerie, des travaux de rénovation, donc peut-être que j'ai été en contact avec l'amiante sans le savoir. Et plus récemment, je travaillais dans une entreprise où je faisais essentiellement de la ferronnerie, donc beaucoup de soudure. Et sans doute que les fumées que j'inhalais, elles n'étaient pas très bonnes pour la santé. Ou même les radiations, si je peux dire, causées par la suture. Malgré que j'ai toujours eu de porter des équipements de protection, à savoir les gants, les lunettes et le masque. Peut-être que ça a pu causer cette maladie. Notamment les solvants que j'ai utilisés tous les jours. Soudure. Pour la soudure, oui. Ouais. Je vais vous donner un exemple très très concret, je dirais, de la fabrication de l'ignorance par les différents gouvernements, je dirais, ces dernières années. Je dis bien les différents gouvernements. Hein. Au niveau législation, code du travail. Il y a eu, en 2001, différentes lois qui sont passées par des décrets du code du travail sur la prévention du risque chimique et... Donc, quand on parle du risque chimique, on parle du risque cancérogène. En 2001, dans cette loi, il y avait une obligation de faire une traçabilité des expositions de chacun des salariés sous la forme de fiches individuelles d'exposition ou d'attestations d'exposition qui étaient transmises au médecin du travail et qui étaient aussi, bien entendu, communiquées ou communicables aux salariés. En 2001, c'était une avancée. C'était lutter contre l'ignorance. Et vous allez voir la suite. En 2012, nous avons les lois sur la pénibilité. Mais cette fois-ci, il y a eu une suppression de ces documents, fiches individuelles d'exposition. Le salarié, c'était pratiquement impossible pour lui d'y avoir accès. Et c'est pareil, le médecin du travail, pratiquement, il n'y a plus accès. Donc on est dans la régression de la connaissance. on est, je dirais, on revient à l'ignorance d'avant 2001. C'est une sacrée régression. Hein. Et on est allé encore plus loin, hein, puisque en 2016, il y a eu carrément la suppression du risque chimique parmi les éléments de pénibilité. C'est-à-dire, le risque chimique, il n'existe plus, il ne doit plus être tracé, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Excusez-moi, mais quand je vois quelqu'un qui a un cancer du poumon, quelqu'un qui a une leucémie, donc une espérance de vie limitée, et que on est convaincu que son travail est à l'origine de ça, c'est révoltant. C'est révoltant, c'est inacceptable. Il y a ça, et je fais aussi la relation avec mes 38 ans de profession de médecin du travail inter-entreprise, où mon travail, c'était en théorie prévention des atteintes à la santé du fait du travail. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Je vois l'aspect négatif, je vois peut-être l'échec de toute une vie professionnelle. Enfin, bon, j'exagère bien entendu, parce que on a fait des choses, on a prévenu des choses, mais ça on ne le voit pas. On voit l'aspect négatif des choses. C'est ça qui est révoltant. En 2010, c'est ça? Là où vous aviez une maladie professionnelle, là, à Orange, je m'avais parlé de ça. Là. Oui. Là, la valise, elle est pleine des papiers. Il est plein de papiers. Ah ben on va les regarder. Oui. Allez. Ça, j'avais eu, hein. Tout ça, ça on l'a sorti. Et les gens qui ne savent pas lire, ils ont le montré au patron. Et ça, il a commencé à diminuer. Ça, c'est des produits qui sont dangereux. Qu'est-ce que c'est, ça, monsieur Nasser? Le produit qu'il y a schéma ça. Représentant les quatre voies de pénétration des produits. Alors, c'est écrit en arabe aussi, c'est ça? Oui, c'est écrit en arabe, parce que les ouvriers qui sont à Châteauneuf, ils ne savent pas parler en français. Alors, on l'a fait en français, en arabe et en français, on a traduit. Ça, vous l'aviez distribué sur les marchés, hein, oui, c'est ça? Oui, on a distribué presque dans toutes les patrons de Châteauneuf. D'accord. Mais à Gigondas, mais à Camaray, des papiers comme ça. Monsieur Nasser, vous avez travaillé dans les vignes, c'est ça? Oui. Oui, oui. Que les vignes, vous avez fait d'autres choses? Non, je travaille dans les vignes, dans la maçonnerie. Très dur. Croyez-moi, quand on travaille à Châteauneuf, des papes, c'est toute la journée, il y a des cailloux, il y a des vents, il y a des... Croyez-moi que c'est vraiment, c'est très, très, très dur. Plus que ça, il y a des produits qui sont dangereux. Alors, quand on est malade, alors on est foutu. On est foutu. Là, maintenant, au lieu de promener, d'aller au Maroc, d'aller se promener avec ma femme, eh bien, je suis dans l'hôpital, à droite et à gauche. De toute façon, là, maintenant, je l'ai dit à ma femme, j'ai dit à mes enfants, j'ai dit, même je suis mort, continue de se battre. Parce que moi, si je battre maintenant, c'est pas pour moi. C'est pour les autres qui sont derrière moi. Et ça, c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Quand on fait des produits très dangereux, quand on travaille sans masque, avec des petites masques qu'il nous donne le patron, qui sont penchés dans la staffette. Ils se traînent. Le modèle de développement agricole est aussi inscrit dans des développements économiques, sociaux, industriels, beaucoup plus globaux. C'est beaucoup plus systémique. Nathalie Jass. Utiliser moins de produits phytosanitaires, mais aussi moins d'engrais, ça veut dire aussi utiliser certaines variétés, qui vont être plus résistantes, ça veut dire certains modes de culture, ça veut dire aussi pas produire toute l'année, ça veut dire tout un ensemble de choses. Et ça veut dire aussi qu'on n'a pas la même industrie agroalimentaire derrière, et notre industrie réglementaire, c'est aussi notre mode de vie urbain, où les gens travaillent beaucoup, on n'a pas le temps de faire à manger. Ça veut dire... Donc on est quand même pris, on est pris là-dedans, et ça, c'est quelque chose qui aussi peut questionner. Évidemment, il y a tout un développement historique, industriel, commercial, etc., qui aurait pu être différent, mais maintenant on est là. Il y a des tas de dysfonctionnements de la régulation, des systèmes d'autorisation, de retard. Il y a des tas de méconnaissances. Il y a des tas de il y a du beaucoup de cynisme aussi de tout un ensemble d'entreprises, de multinationales et de personnes. Il y a du déni dans des tas d'institutions. Il y a des choses qu'on ne regarde pas. Mais en même temps, Il y a aussi des questions de fond sur quelle société on est devenu, quelles sont les choses qu'on ne voit pas individuellement, collectivement. C'est aussi l'ignorance, enfin, parce qu'elles sont loin, on y prête peu d'attention. Nous ne pouvions pas rendre visite aux mineurs du bassin de Lens sans aller voir le médecin-chef du dispensaire antituberculeux de la ville. Nous avons surpris le docteur Schaffner pendant la consultation au dispensaire. Permettez-moi de vous demander, docteur, quel est le rôle du médecin dans un bassin houlier, car je crois que vous contrôlez toute la région du Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Oui. Le rôle du médecin dans le Pas-de-Calais est de deux sortes. D'abord, le rôle de tous les médecins, médecins traitants, et deuxièmement, son rôle de prophylaxie et surveillance de certaines manifestations des maladies de mineurs qui sont groupées dans le grand mot de silicose. Petite silicose, petite maladie professionnelle, qui peut rester sans grand symptôme dramatique jusqu'à la fin, et ensuite la grande silicose avec tout son cortège de manifestations cliniques compliquées. Cette grande silicose qui est due à l'inhalation des poussières, ou plutôt dû à la force par laquelle les poussières sont chassées à l'intérieur des voies respiratoires du mineur. Vous voulez parler des poussières minérales, je crois qu'ils sont formés par les éclatements de rochers, n'est-ce pas? Oui, par les rochers surtout, parce que c'est surtout ce qu'on appelle le boéteur, ou celui qui fait du traçage, ou des travaux préparatoires qui en est atteint. Celui qui, en somme, dégage le filon pour arriver... Pour arriver au charbon. Aux veines de charbon. Paul-André Rosenthal, vous êtes un historien et vous vous intéressez à la silicose. Moi, ce que je sais de la silicose, c'est que c'est une maladie sur laquelle on sait à peu près tout. Depuis longtemps. Et pourtant, vous parlez aussi beaucoup d'ignorance. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut à la fois parler d'ignorance et d'une maladie dont on sait presque tout. Alors, il y a deux manières de parler d'ignorance dans le cas de la silicose. Tout d'abord, comme vous l'avez dit, je suis historien. Historiquement, la silicose, c'est une maladie dont le terme même a été forgé en 1871, exactement. C'est en 1871 qu'un médecin italien qui s'appelle Visconti considère qu'un produit, la silice, qui est très présent dans l'environnement terrestre, est susceptible de créer une maladie. Et donc, il forge le terme de silicose. Mais entre le moment où Visconti crée ce terme, 1871, et le moment où la silicose va être reconnue internationalement comme une maladie spécifique par une convention internationale qui date de 1934, il s'écoule plus de 6 décennies. Et pendant ces 6 décennies, les mécanismes de création de l'ignorance ont joué à plein, et en particulier, un mécanisme majeur a été que la reconnaissance, la compréhension médicale et la reconnaissance légale sous forme d'indemnisation des ouvriers, et notamment des mineurs de fonds affectés par cette terrible maladie, a été freinée par une concurrente, la tuberculose, dont le bacille est découvert un peu plus de 10 ans après que le terme a été forgé, dans les années 1880. Et les mécanismes d'ignorance ont joué à plein parce que pour les employeurs chargés d'indemniser les ouvriers, si la silicose était une maladie distincte créée par les silices, il fallait une indemnisation de l'entreprise. Si la silicose n'était qu'une complication secondaire, entre guillemets, de la tuberculose, alors ça changeait tout. Il s'agissait d'une maladie privée, liée au comportement, aux mœurs des ouvriers, aussi à leurs conditions de vie, et donc une maladie qui n'entrait pas dans le régime de celle que les entreprises devaient indemniser. Mais je vois, monsieur, que vous venez de consulter un mineur qui est ici, et est-ce que vous me permettez de lui poser quelques questions? Depuis combien de temps travaillez-vous dans la mine, monsieur? Depuis l'âge de 13 ans, monsieur, j'en ai 47. Depuis l'âge de 13 ans, vous en avez 47. Oui. Ça fait un très long temps. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travail? Vous étiez boéteur? J'ai été boéteur pendant 19 ans. Et maintenant, c'est vous de feu depuis 4 ans et demi. Vous êtes vous de feu, c'est-à-dire que c'est vous qui posez les mines de dynamite, je crois. Oui, monsieur. Et qui faites sauter la mine pour pouvoir avancer dans le filon, d'accord. Oui, monsieur. Dans la galerie. Dans la galerie. Dans la galerie, il ne faut pas que j'emploie des termes impropres. Et vous êtes venu consulter ici, pourquoi? Pour mes poumons, monsieur. Ah oui, vous avez ressenti des troubles d'essoufflement. Vous avez maigri, je crois. Vous avez j'ai maigri 17-18 kilos. Depuis quand? Depuis 4-5 ans. Depuis la guerre? Depuis la guerre, oui. Alors vous êtes venu ici parce que vous ressentiez les troubles dont parlait le docteur tout à l'heure, essoufflement, etc. Essoufflement, oui, monsieur. Et alors qu'est-ce que le docteur a dit là maintenant? On vous a passé la radio? On m'a passé la radio, alors il faudrait arrêter d'aller au fond de la mine. Oui. Et travailler au jour, si c'était possible. Eh bien écoutez, j'espère que les lois actuelles vous permettront de pouvoir vous reposer de façon à ce que vos poumons puissent récupérer et vous éviter la fin tragique dont parlait le docteur tout à l'heure. Cette maladie, je m'y suis d'abord intéressé en tant qu'historien parce que je considérais qu'elle contenait un petit peu comme à la manière d'un modèle réduit l'ensemble des questions que je me posais, que se sont posées beaucoup d'historiens, disons il y a une dizaine d'années, sur l'histoire des maladies professionnelles. Et accessoirement, et ça n'est pas rien, elle est probablement la maladie professionnelle qui a été la plus mortelle de l'histoire. Elle sera peut-être détrônée malheureusement par la tragédie de l'amiante. Mais quand j'ai commencé à publier sur ce sujet, j'ai commencé à publier sur le fait que cette maladie a vu ses contours, pour ainsi dire, négociés dans les années 1930 par les experts médicaux des employeurs et des syndicats, sous l'égide des États, sous l'égide du Bureau international du travail. Et au fond, ce qui s'est joué dans les années 30, c'est un compromis véritable, consistant à dire « nous reconnaissons qu'il existe une maladie liée à l'activité minière ». Rappelons que l'activité minière, notamment en matière de charbon, c'est un peu l'équivalent du pétrole de l'époque. C'est la source d'énergie de l'époque, donc c'est une industrie stratégique. Le coût de la production du charbon est très important. Du coup, d'accord, on va indemniser les ouvriers qui l'extraient, mais pas trop non plus, parce que sinon on va renchérir l'énergie qui conditionne le progrès et l'activité industrielle, qui conditionne également le bien-être des ménages qui se chauffent au charbon. Donc il y avait vraiment un compromis. Donc on a reconnu la maladie, mais on l'a reconnue à minima. On s'est intéressé à un certain type de manifestation pathogène de la silice, à savoir l'effet d'une inhalation régulière qui peut durer 10, 20, 30 ans, celle de mineurs de fond qui restent en emploi pratiquement pendant toute leur vie professionnelle, et une inhalation relativement, j'insiste sur le relativement, relativement modéré et continue au cours du cycle de vie. En d'autres termes, la silicose a été définie médicalement comme une maladie chronique. Dans les années 30, la définition de la maladie est littéralement votée par des experts médicaux réunis par un consortium qui réunit le Bureau international du travail d'un côté et les grandes compagnies de mines d'or sud-africaines de l'autre. Un mélange détonnant, disons. Donc la question qui se pose aux entreprises et à l'État sud-africain, c'est à quel moment on décide qu'un mineur est malade? À quel moment est-ce qu'on voit que sa productivité diminue? Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le sort de l'activité minière en lui donnant une assurance invalidité? Est-ce qu'on le maintient en activité? Pour ça, on a besoin d'avoir des contours médicaux à peu près clairs définissant la maladie. Vous voyez, ce sont des intérêts comptables qui sont en jeu. Qu'est-ce qui est exclu de cette définition? Ce qui est exclu de cette définition, c'est le sort d'une partie des ouvriers mineurs. Alors prenons le cas sud-africain, qui est le plus important à l'époque par la documentation médicale. En Afrique du Sud, vous avez deux types de salariés. Vous avez les blancs, qui sont employés sur l'essentiel du cycle de vie, qui souvent deviennent contremaîtres, sur lesquels on a beaucoup de données médicales. Justement, on essaye d'observer à quel moment leur productivité diminue. Et vous avez les noirs, qui composent la majorité de la main-d'œuvre, et pour lesquels la solution, entre guillemets, trouvée par les entreprises consiste à les exposer à des postes de travail au fond de la mine qui sont plus dangereux que les autres, à les laisser en activité sur des périodes relativement brèves, des contrats d'un an, et à les renvoyer chez eux lorsqu'ils sont malades. En d'autres termes, les mines sud-africaines organisent une double gestion de la main-d'œuvre. Et on peut vraiment parler d'ignorance puisque, au fond, la conférence organise l'invisibilité, vraiment au sens propre, sur le sort d'une main-d'œuvre exposée à des risques plus bref, mais plus intense. Cette gestion duale de la main-d'œuvre, on la retrouve sous des formes diverses, hein, mutatis mutandis, dans tous les systèmes d'exploitation minière. Dans des pays comme un pays comme la France, les risques sont plutôt concentrés sur la main-d'œuvre immigrante. Ça peut être dans certains cas sur la main-d'œuvre coloniale. Ça peut être, ça a été le cas des pays d'Europe de l'Est après, enfin pendant la guerre froide, des prisonniers politiques. Bref, vous avez toujours une partie de la main-d'œuvre sur laquelle le risque intensif mais plus bref est concentré. Bon, maintenant, on est venu. Maintenant, bien sûr, c'est tout atomisé. Donc, le charbon est humidifié. Les gens portent des masques, donc des masques anti-poussière électriques. Il y a des gants. Il y a des gants, il y a tout. Ça a tout évolué. Puis d'un côté, c'est bien. Hein. Mais quand je discutais avec mon père, ben, lui, il ne croyait pas. Ça. C'est pas possible d'avoir une mine comme ça. Ben, je dis, oui, c'est lui, ça. Lui descendait avec une paire de sabots en bois, et puis toi, tu as descendu avec des chaussures de sécurité. Non, quand j'ai commencé, il y avait que les galoches, comme tu portes, là, tu sais, des fois, les galoches en caoutchouc, là. Les sabots en bois. C'est une très bonne chose qu'on ait fermé les mines. Bon, ben, il y a toujours des nostalgiques. Ça, c'est vrai. Mais enfin, quand on fait le bilan un petit peu de la mine et quand on voit le nombre de décès par ces maladies professionnelles, qu'on soit nostalgique de la mine, à mon niveau, je le comprends. La plaie des charbonnages de France, des mines du Nord et du Pas-de-Calais, ça sera tous ces pleurs, ces chagrins, ces peines. Ça a été meurtri, ça sera très important, ça sera imprégné dans la vie du mineur. Quand on est au fond de la mine, on s'imagine que la maladie du mineur, c'est pas pour soi, c'est pour les autres. Les mines se vengent. Mon père était très malade. Alors, à l'âge de 52, je me souviens à l'époque qu'il avait été reconnu silicosé. Et ce que j'ai en mémoire aussi, dans ces années-là, c'est qu'il était content d'être silicosé. Il était content d'être silicosé. Pourquoi ? Parce que le fait d'être silicosé, il a touché une prime supplémentaire. Vous voyez, et il s'est éteint tout doucement, comme une bougie qui s'éteint. À partir des années 30, on concentre plus exactement le regard médical. On va considérer que les médecins doivent s'intéresser à la maladie chronique, ce qu'on appelle la silicose. Les autres formes d'exposition à la silice sont sorties de l'observation médicale. Et c'est ça qui va donner aux publications que j'avais faites, donc on est autour de 2007, un rebond auquel je n'avais pas du tout pensé, c'est qu'elles sont lues par des médecins d'aujourd'hui et des médecins qui observent des traces de silice associées à de toute autre maladie que la silicose et qui vont chercher dans les traités médicaux ce qu'on connaît en médecine sur la silice et qui ne trouvent pas grand-chose. Et certains d'entre eux, je pense par exemple à un collègue lyonnais, Michel Vincent, voit dans les articles historiques que j'avais publiés une explication à l'ignorance médicale sur les effets pathogènes de la silice. Alors lui-même avait subi ce qu'il appelle un choc culturel dans les années 90, car médecin lyonnais, il avait vu deux jeunes femmes dans son service. L'une d'entre elles était morte, l'autre avait été gravement malade, une succession de maladies assez graves, lié à l'inhalation intensive de poudre à récurer. L'une sniffait la poudre à récurer, l'autre était une ménagère un peu obsessionnelle qui, du coup, inhalait énormément de poudre à récurer. Jusqu'aux années 90, la poudre à récurer contient une très forte concentration de silice. Alors, Paul-André Rosenthal, si je comprends bien, c'est un médecin qui demande à un historien de l'aider à lui trouver des causes médicales d'une maladie. C'est quand même un drôle de contournement de la connaissance qui passe par, évidemment, le désenfouissement, quand on parle de mine, ça tombe bien, de données qu'on avait ignorées. C'est un médecin, effectivement, qui se dit, oui, en remontant aux sources du savoir, donc en gros dans les années 30, on va comprendre une bifurcation, un biais de sélection au fond du regard médical depuis. Et au lieu d'y voir une espèce d'accident du savoir, on se dit, en tant qu'historien, que sociologue, et même que médecin, on se dit, visiblement, l'ignorance est partie consubstantielle de ce domaine de recherche. Les questions qu'on se pose, qu'on commence à se poser, c'est nous n'allons pas dévoiler le pouvoir pathogène de la silice, nous allons concevoir une recherche qui cherche à surmonter le fait qu'en permanence, le savoir établi n'arrive pas à se solidifier. Alors, ça c'est pour la silicose, hein, c'est pour la maladie vraiment bien répertoriée depuis les années 30. Mais ces épidémies, elles ont joué un rôle très important dans le développement du savoir médical et dans la genèse de notre propre projet, à cause de la tragédie du 11 septembre 2001. Hein, l'effondrement des tours de Manhattan a déclenché chez les sauveteurs une épidémie de maladies qu'on appelle de type sarcoïdosique. Et cette épidémie tout à fait inattendue dans le corps médical a joué un rôle très important dans l'émergence des interrogations dont je vous parlais. Oh mon Dieu. Oh my God. On a entendu un énorme bruit. On a vu la fumée arriver. Tout le monde s'est précipité en bas. On a vu le deuxième avion s'écraser contre l'immeuble. Les gens ont sauté par les fenêtres. Et tout ce quartier de Manhattan, donc ce qu'on appelle le downtown près de la bourse de New York, est envahi par une immense fumée noire avec des débris partout. C'est un spectacle d'horreur. J'ai eu de la chance, j'ai pu me protéger derrière un pilier qui m'a protégé du souffle. Et puis j'ai pu continuer à respirer à travers un chiffon. Mais c'était vraiment très impressionnant parce que à ce moment-ci, il n'y avait plus de lumière, il n'y avait plus de son, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus d'air non plus, hein, c'était uniquement de la matière. Et là, j'ai vraiment cru qu'on allait suffoquer. Et ensuite, je suis sorti et c'était la dévastation partout. C'était 40 centimètres de papier, de débris de toutes sortes, de ciment, de morceaux de verre, la dévastation totale, totale, totale. Donc les tours s'effondrent. Quelques années après, on constate que les sauveteurs souffrent donc de cette épidémie qu'on appelle sarcoïde-like, hein, de type sarcoïdosique. Sarcoïdose, maladie particulièrement complexe hein, dans ses causes, probablement une des plus complexes à essayer de cerner. Et les publications commencent dans la médecine, puisqu'on se rend compte de la présence dans les tissus, notamment les tissus pulmonaires, de silice, de poussière de silice. Vous savez, quand on travaille, moi c'était mon point de départ, quand on travaille sur l'histoire des maladies professionnelles, on est en permanence confronté, quelle que soit la maladie, à cette question de l'invisibilité et de la dialectique entre connaissance et oubli de la connaissance, en permanence. Et on est également confronté à un grand nombre de régularités. L'une des régularités, l'un des mécanismes récurrents dans l'histoire des maladies professionnelles, c'est que la sensibilisation du public, des patients, des médecins, en général, est consécutive à un accident brutal qui touche tout d'un coup beaucoup de monde, qui est visible, qui est relayé par les médias. Et ces phases de mobilisation collective amenaient à une prise de conscience de l'ensemble des risques. Et ce qu'on constate dans l'histoire des maladies professionnelles, c'est qu'il y a une alternance permanente entre des moments de sensibilisation dans lesquels il y a des progrès, et ensuite, au bout de quelques années, la conscience se redécompose et on réoublie les choses. Ce mouvement de connaissance-oubli est permanent. Des maladies aux causes invisibles, un documentaire de Franck Cuvelier, avec la complicité scientifique de Mathias Girel, directeur des études du département philosophie, École normale supérieure de Paris. Avec Boran Slama, chef du service oncologie-hématologie du centre hospitalier d'Avignon. Brigitte Lemeur, médecin du travail. Benoît Delabrusse, médecin du travail. Nathalie Jasse, historienne et sociologue des sciences. Églantine Armand, assistante sociale au Centre hospitalier d'Avignon. Paul-André Rosenthal, professeur des universités à Sciences Po, Paris. Merci aux patients du Centre hospitalier d'Avignon. Prise de son, Laurent César, Yvan Charby. Recherche INA, Linda Simon. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Perrine Kervran, Marivonne Abolivier. Réalisation, Rafik Zénine. LSD, la série documentaire pour aujourd'hui, c'est terminé. Et si vous voulez en avoir le cœur net, bibliographie, lien, nous podcaster pour l'hôpital ou nous réécouter à la médecine du travail, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD série doc. Demain, troisième étape, quand on préfère ne pas savoir. Et pendant encore une semaine, pour prolonger notre semaine mai 68 passée, vous pouvez regarder gratuitement sur la plateforme Tank du documentaire d'auteur notre partenaire, Phare, Front homosexuel d'action révolutionnaire, le film de Carole Rossopoulos réalisé en 1971. Il y a un lien tout exprès sur la page de l'émission.